dans ma vie en chantant. Et ça, ce n'est pas un défaut. Papa, aujourd'hui, je comprends. Savoir distinguer le vrai du faux résonne comme un besoin réel. Je sais que c'est elle qui m'interpelle. La musique, un langage universel. Pas besoin d'être riche, fort ou intellectuel. Et je me suis vu serrer les dents. Combien de fois j'ai levé les poings. Rendu mes idées telles un résistant. Sa résident, moi c'est évident. Mais ça ne m'a pas empêché de pêcher. J'ai plus d'une fois trébuché. Seul je sais si le mal est effacé. Une fois qu'on a appris des erreurs de son passé. Je voudrais m'asseoir un moment, oublier mes tourments, laisser place à la mélodie. Fermer les yeux, savourer l'instant. Ça ne dure qu'un temps, tu sais bien qu'on n'a qu'une vie. Bien beau de voir les choses en grand. Eux ils idéalisent, nous on obéit bêtement. Et là logiquement, l'homme devient rendement. Tu vis ton taf pour payer ton enterrement. Pendant que les uns sont dans le besoin, les autres n'en ont pas assez. Chacun sa galère dans son coin. C'est celui qui est le plus riche qui a gagné. On voudrait tous les choses changent. Et I feel my soul strong. Je le sens, c'est pas le moment que je sens. I want to make it good song. Adopter le bon comportement. Vu ça le temps, je pense pas que ça va bien changer. À faire n'importe quoi, n'importe comment. Forcément le monde finit par plonger. Je vois plein d'intellectuels dans la société, tout censé nous développer. Mais quand je marche dans mes ruelles, force est de constater qu'on est bien tous enveloppés par un mystère pas bien naturel. Sens-tu le souffle chimique dans l'air? Perso, je reste persuadé que la vie est belle. Au moins pour mes fistons, je dois d'en avoir l'air. Qu'est-ce que je laisserai en héritage? Un message marqué sur un bout de page. Et sache que ce n'est qu'un constat. Sur une époque aussi triste qu'un attentat.